Troisième partie. Pardon, où se trouve? Pardon, mademoiselle, où se trouve l'hôtel du Canada, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Merci, mademoiselle. Moi aussi, je cherche l'hôtel du Canada. Alors, venez avec moi, mademoiselle. Enchantée, monsieur.